إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du conseil écrit par l'imam Sofiane Thawri à Abbad ibn Abbad, rahimahum Allah ta'ala, au sujet du comportement adopté avec les gens. Et il a dit, rahimahullah, wa alayka bil uzla wa qillati khultati nas. Et je t'enjoins l'isolement ou la solitude et le fait de peu fréquenter les gens. Donc on a déjà parlé de l'isolement lors d'un cours précédent et on a vu ce qui était visé par cela et que l'objet de sa recommandation n'est pas de s'isoler des gens de manière générale. Et on voit à travers sa parole ici ce qui confirme ce que l'on a mentionné précédemment. Car il lui dit « Et je t'enjoins la solitude et le fait de peu fréquenter les gens ». C'est-à-dire que c'est un isolement qui est restreint et qui vise à diminuer la fréquentation des gens. Et ce, car l'excès de fréquentation est une cause parmi les causes de corruption du cœur. Ensuite, il dit « Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu » Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit « Iyakum wa tam'a » Prenez garde à la convoitise. « Fa'inna tam'a faqrun » Car la convoitise est une forme de pauvreté. Walyas rina, alors que le fait de ne pas espérer, c'est-à-dire ce qu'il y a auprès des gens, est une forme de richesse. Wafil uzlati rahatun min khalit sou. Et il y a dans la solitude un repos ou un apaisement des mauvaises fréquentations. Donc ici il nous cite cette phrase de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui dans la première partie de cette parole nous met en garde contre la convoitise. Celui qui souffre de convoitise, qui a le cœur attaché à ce qui se trouve auprès des gens et à ce qu'il ne possède pas, alors celui-ci, quand bien même les richesses de ce bas monde seraient entre ses mains, il se sentirait pauvre, car il serait insatisfait. Alors que celui qui n'a aucun espoir en ce qui se trouve dans les mains des gens, mais qui fait en sorte de se passer d'eux, alors celui-ci il trouvera le contentement et la satisfaction. Et il n'y a pas de doute que ceci est une forme de richesse, car il pourra ainsi se passer des gens et attacher son cœur seulement à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais ici, Sofiane Thawri, rahimahullah, il a mentionné la parole de Omar en raison de la deuxième phrase, dans laquelle il nous explique qu'il y a dans la solitude un repos et un apaisement des mauvaises fréquentations. Et ceci est le minimum que tu trouveras comme bienfait parmi les bienfaits de la solitude. Tu seras à l'abri des mauvaises fréquentations. Si tu es seul, tu ne vas pas te mélanger aux gens du mal. Tu seras ainsi préservé de nombreux péchés et de nombreuses mauvaises actions. Tu ne subiras pas les torts et les nuisances des gens. Et ils ne nuiront pas à ton bien-être intérieur. Donc ceci est le minimum comme bienfait dont tu profiteras en t'isolant des gens qui te sont nuisibles. Ensuite il a dit, rahimahullah, « وَكَانَ سَعِيدِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ يَقُولُ الْعُزْلَةُ عِبَادَةُ » Et Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah, un des imams parmi les imams des salafs, disait « La solitude est une adoration ». Qu'est-ce qui est visé ici par cette parole? La solitude est une adoration. On a vu tout d'abord que ce qui est visé par la solitude, ce n'est pas de s'isoler totalement des gens, mais c'est le fait de diminuer leur fréquentation. Et cette forme de solitude, c'est une adoration pour différentes raisons. Premièrement, car celui qui s'isole, il ne peut s'isoler qu'en raison de sa véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il disait que rechercher individuellement une chose est une preuve de véracité dans cette recherche. Rechercher individuellement une chose est une preuve de véracité dans cette recherche. Celui qui recherche une chose et qui la recherche même lorsqu'il se trouve seul, quelle que soit cette chose, qu'il soit seul ou accompagné, il cherche à l'atteindre et à l'obtenir. Alors ceci est une preuve de sa véracité. Contrairement à celui qui manque de véracité, qui ne va faire certaines adorations, ou qui ne va apprendre la science, ou qui ne va assister aux assises de science, que lorsqu'il se trouve avec des gens. Puis une fois seul, il délaisse tout cela. Ceci est une preuve d'un manque de véracité évident. Car celui qui est véridique, qu'il soit seul ou qu'il soit avec les gens, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il recherche. Celui qui veut la science, il ne va pas attendre d'être accompagné pour apprendre la science, il va la rechercher même s'il est seul. Celui qui veut aller assister à un cours, il ne va pas s'y rendre seulement si ses amis sont présents, mais il va s'y rendre même s'il est seul. Celui qui veut rester à la mosquée pour lire le Coran, il ne va pas rester à la mosquée seulement s'il y a ses amis, mais il va rester même s'il est seul. Car il est véridique dans ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'être accompagné. Qu'il soit seul ou accompagné, il sait l'objectif qu'il va atteindre et il fait des causes afin d'atteindre cet objectif. Donc c'est pour cela qu'il nous dit ici, la solitude est une adoration. Également, parmi les points démontrant que c'est une adoration, il y a le fait que lorsque la personne sera seule, son cœur sera libéré de toute préoccupation. Elle pourra ainsi se concentrer dans les actes de bien et dans les bonnes actions. Et enfin, parmi les choses nous démontrant que cette solitude est une adoration, comme nous le dit Saïd, rahimahullah ta'ala, il y a le fait que lorsque la personne s'isole, elle s'isole également du mal et de ses causes. En effet, lorsque tu t'isoles des gens, tu seras préservé de nombreux péchés dans lesquels tu peux tomber par le simple fait de les fréquenter. Prenons le simple exemple de la médisance, qui est présente aujourd'hui dans la majorité de nos assises, wallahu al-musta'an. Donc celui qui s'isole des gens, il sera préservé de ce péché. Il sera préservé de l'écoute des mensonges, il sera préservé de l'écoute des paroles incorrectes ou indécentes, et il sera préservé de nombreux péchés. Et ces péchés-là, il tombera dedans par le simple fait de se mélanger aux gens. Donc tout ceci nous démontre la véracité de cette parole de Saïd ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala qui a dit « La solitude est une adoration ». Ensuite, Sofiane, rahimahullah ta'ala, a dit « وَهُجْرَانُ الْأَحْمَقِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ » Et le fait de boycotter le stupide, le sot, le faible d'esprit, ceci est une manière de te rapprocher d'Allah. Le faible d'esprit, c'est celui qui n'accorde aucune considération aux limites de la législation. Il ne se soucie pas de savoir si ce qu'il fait est légiféré ou non. Il ne se soucie pas de savoir si ce qu'il fait est un péché ou non. Il n'accorde aucune considération aux limites de notre législation. Ce genre de personne, les boycotter et t'isoler d'eux, c'est une manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces personnes-là, elles sont en réalité corrompues. Et il n'y a aucun bien dans le fait de les fréquenter et de se mélanger à elles. Donc celui qui boycotte ce genre de personne avec cette intention, avec l'intention de se préserver de son mal, en raison de sa faiblesse d'esprit, alors celui-ci, il est en adoration au moment où il pratique ce boycott. Et il se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit, وَكَانَ النَّاسِ إِذَا الْتَقَوْ إِنْتَفَعَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضُ Et les gens, auparavant, lorsqu'ils se rencontraient, ils profitaient les uns des autres. فَأَمَّا الْيَوْمِ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ وَالنَّجَاتُ فِي تَرْكِهِمْ فِي مَا نَرَى Mais aujourd'hui ceci a disparu et le salut se trouve dans le fait de les délaisser selon ce que nous voyons. Donc Sofiane, rahimahullah ta'ala, il expose ici son avis à ce sujet, qui est le fait que le salut, il se trouve dans le fait de délaisser les gens. Il dit car les gens auparavant, lorsqu'ils se rencontraient, ils profitaient les uns des autres. Lorsqu'ils se réunissaient, celui-ci partageait une science, l'autre faisait un rappel, le troisième avait une exhortation à adresser, et ainsi de suite. Ils profitaient les uns des autres. Ils se rappelaient à l'ordre. Ils se faisaient le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils partageaient la science. Ils avaient des discussions profitables. Donc leur rencontre était utile. Et c'était un bien pour eux de se rencontrer, car plus ils se rencontraient, plus ils profitaient les uns des autres. Mais est-ce que ceci est présent aujourd'hui? Méditez sur nos assises et sur les conversations qui y sont tenues. Est-ce qu'on se fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on partage des paroles profitables? Est-ce qu'on parle de science? Est-ce qu'on parle de ce qui fait monter notre foi? Est-ce qu'on parle de ce qui nous aide à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on s'interdit mutuellement les péchés et les mauvaises actions? Malheureusement, ceci est peu présent. Et c'est pour cela que Sofiane rahimahullahu ta'ala nous dit qu'il voit que dans cette situation, le salut se trouve dans le fait de délaisser les gens, de délaisser leur fréquentation. Car si en les fréquentant, tu n'es pas à l'abri de tomber dans les péchés et les mauvaises actions, alors le salut, il se trouve dans le fait de les délaisser. Si le seul moyen pour te préserver de la médisance est de t'écarter de ces personnes qui vont médire, car tu n'arrives pas à leur interdire, et tu n'arrives pas à leur être profitable, alors le salut, il se trouve dans le fait de les délaisser, et de délaisser leurs assises. Quant à celui qui a dans son entourage des personnes profitables, des personnes de bien, qui le rappellent à l'ordre, qui lui enjoignent le convenable et qui lui interdisent le blâmable, alors celui-ci, il ne doit pas les délaisser en aucun cas. Mais le salut, il se trouvera plutôt dans le fait de rester à leur côté et de ne pas les délaisser. Au contraire, c'est ces gens-là qu'il faut que tu prennes pour compagnons, afin de pouvoir tirer profit de leur bien, de leur science et de leur piété. Bi'idhnillahi ta'ala. On a déjà mentionné ce sujet lors d'un cours précédent, mais comme vous le voyez, Sofiane rahimahullahu ta'ala, en raison de l'importance qu'il a accordée à cette question, il n'a cessé de répéter cette recommandation à Abbad ibn Abbad rahimahullahu ta'ala. Ensuite, il a dit: wa iyyaka wal umara wad-dunu wa minhum wa an tukhalitahum fi shay'in min al-ashya. Et prends garde aux dirigeants et au fait de te rapprocher d'eux ou de te mélanger à eux pour une chose quelconque. Ici, Sofiane, rahimahullahu ta'ala, il met en garde contre la fréquentation des dirigeants. Et ce, en raison de ce qu'elle peut contenir comme chose nuisible pour la personne. Et Sofiane, rahimahullahu ta'ala, était un exemple à ce sujet. Il est rapporté de lui qu'il fuyait les dirigeants. Et ce, non pas par mépris des dirigeants eux-mêmes, mais c'est en raison du mal auquel pourrait conduire le fait de les fréquenter. Et ce, premièrement, car celui qui se trouvera aux côtés du dirigeant, il se peut qu'il voie un mal, mais qu'il ne puisse pas l'interdire. Il se peut qu'il voie une injustice, mais qu'il ne puisse pas l'empêcher ni la réparer. Et ce, en raison de la peur du dirigeant. Donc ceci est une corruption évidente. Le deuxième méfait qu'il y a pour la personne est qu'en se rapprochant des dirigeants, il verra autour de lui être présenté de nombreuses richesses parmi les biens vils de ce bas monde. Et il se peut qu'il soit tenté par celle-ci, que son cœur s'attache à ces richesses et qu'il ait un penchant pour ces choses par lesquelles il aurait été tenté. Alors il va inévitablement délaisser sa religion tout ou partie pour des biens vils de ce bas monde. Et nul ne doit se sentir à l'abri, car le cœur de l'homme est faible. Et quel cœur pourrait supporter de se voir offrir toutes les richesses de ce bas monde et de se voir honoré sans avoir de penchant pour cela? Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il a dit à ce sujet: il se peut que je rencontre un homme que je déteste, puis qu'il me dise: comment vas-tu ce matin? Alors mon cœur s'adoucit pour lui en raison d'une belle parole. Il lui a simplement demandé: comment vas-tu ce matin? Il ne l'aime pas, mais cette parole, elle apaise son cœur. Alors son cœur s'adoucit pour lui. Il dit ensuite, rahimahullah: alors que dire de celui qui va manger de leur repas et se poser sur leur divan? Il n'a pas de doute que celui-ci, son cœur penchera bien plus. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit: wa iyyaka an turda'a fayuqalu lak tashfa'a. فترد عن مظلوم وعن مظلمه فإن تلك خدعة إبليس وإنما اتخذها فجار القراء Sullama. Et prends garde à ne pas te faire tromper. Et qu'on te dise, tu intercéderas, ou tu défendras un opprimé, ou répareras une injustice. Car ceci est une ruse d'Iblis, qui a été adoptée comme prétexte par les lecteurs corrompus. Donc après avoir mis en garde contre la fréquentation des dirigeants, Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il avertit Abbad en lui disant, il se peut que quelqu'un vienne à toi et te dise, rends-toi auprès du dirigeant, tu as de la science, tu es quelqu'un de respectable, il se peut qu'en te rendant auprès de lui, tu pourras ordonner le bien et interdire le mal. Tu pourras réparer les injustices et tu seras écouté. Alors Sofiane, rahimahullah ta'ala, il répond à cette ambiguïté, il dit que ceci est une ruse d'Iblis, une ruse du diable, et que ceci a été pris comme prétexte par les lecteurs corrompus. Les lecteurs corrompus, ce sont les savants corrompus. Car, à leur époque, les lecteurs étaient des savants. Lorsqu'on disait que quelqu'un était un lecteur, qu'il avait appris le Coran, c'est que c'était un savant. Car ils apprenaient le Coran, ils apprenaient ses sens et ils le mettaient en pratique. Donc celui qui avait mémorisé, c'était quelqu'un qui avait de la science. Contrairement à la situation des gens aujourd'hui, qui peuvent mémoriser sans même comprendre le sens des mots qu'ils prononcent, Wallah al-Musta'an. Donc ici, Sofiane, rahimahullah ta'ala, il met en garde contre la situation de certaines personnes parmi les personnes de science corrompues, qui ont pris ce prétexte pour se rapprocher des dirigeants dans le but, selon leur prétention, de commander le bien et d'interdire le mal. Mais il vise ici une catégorie particulière de personnes. Il vise ceux dont l'intention n'est en réalité que d'obtenir les biens de ce bas monde. Puis lorsqu'on le réprimande et qu'on lui dit de prendre garde à ne pas se laisser leurrer par les biens de ce bas monde, de s'écarter de cela, il prétend ne les fréquenter que pour ordonner le bien et interdire le mal. Et ceci est une prétention mensongère en réalité. Car le commandement du bien et l'interdiction du mal, il ne nécessite pas forcément la fréquentation de la personne que tu souhaites conseiller. Mais il est possible d'adresser ce conseil par écrit, par une lettre, et aujourd'hui on peut même le faire par téléphone ou autre. Deuxièmement, le fait de le fréquenter sous ce prétexte, alors qu'il sait qu'il ne pourra pas réellement commander le bien et interdire le mal, qu'il n'aura pas les moyens de faire changer les choses. Alors en réalité, le profit espéré ne sera pas atteint. Et troisièmement, le fait de s'écarter d'eux est la meilleure des exhortations. Et ça c'est général, cela ne concerne pas seulement les dirigeants. Mais toute personne qui est sur une voie déviante, que ce soit une voie parmi les voies de l'innovation, ou alors qui commet certains péchés, la meilleure exhortation est parfois de t'éloigner de cette personne. C'est pour cela qu'il est rapporté que certains ont dit à Abdullah ibn al-Mubarak que Sofiane, c'est-à-dire Sofiane al-Thawri, ne commandait pas le bien aux dirigeants. Il répondit « Allahu Akbar ». Y a-t-il un commandement plus fort que le fait de les fuir? C'est-à-dire que le fait que Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, les fuyait, était une exhortation plus éloquente que le fait de leur parler et de les sermonner. Et ces trois points que l'on a mentionnés, comme on a dit, ils ne concernent pas seulement le conseil des dirigeants. Mais toute personne qui, par exemple, va fréquenter les gens de l'innovation et les gens de l'égarement, va s'associer à eux dans des séminaires, dans des conférences, va s'entraider avec eux dans le prêche, sous prétexte de les conseiller, de les exhorter, alors qu'il sait pertinemment qu'ils sont sur une voie parmi les voies des gens de l'innovation, qu'ils sont sur une voie déviante. Alors nous lui disons, le conseil et le commandement du bien et l'interdiction du mal ne nécessitent pas de t'asseoir et de te mélanger avec ces personnes et de les fréquenter. Mais tu peux le faire à distance. Tu peux leur écrire, tu peux leur téléphoner. Et tu n'as pas besoin de collaborer avec eux dans le prêche pour les conseiller. Deuxièmement, le fait de les fréquenter sera bien plus nuisible que profitable. En effet, bien souvent, les intérêts espérés ne sont pas atteints. Mais c'est plutôt les gens de l'innovation qui profitent de la proximité qu'ils ont avec certaines personnes s'affiliant à la sunna, afin de tromper les gens et de les égarer. Et troisièmement, comme on a dit, le fait de les fuir, de s'écarter d'eux, de ne pas les fréquenter, est une exhortation bien plus éloquente. Donc Sofiane, rahimahullah ta'ala, il nous met en garde ici contre ce point. Et ce car, il voyait qu'il ne convenait pas, pour la personne de science, pour les raisons mentionnées, de se rapprocher des dirigeants. Toutefois, je tiens à souligner une chose d'une grande importance ici, car certaines personnes, en écoutant ce genre de paroles, pourraient se mettre à avoir de mauvaises pensées au sujet de certaines personnes parmi les gens de science sur la sunna, et pourraient prendre ce que l'on vient de mentionner comme un prétexte pour dénigrer les gens de science ou les rabaisser, comme le font les gens égarés des différentes sectes affiliées au courant de la confrérie des frères musulmans, qui passent leur temps à dénigrer les dirigeants des musulmans et à dénigrer les savants de l'islam qui ont une certaine proximité avec certains dirigeants. Donc il faut savoir que le conseil de Sofiane, rahimahullah ta'ala, il a un but préventif. Mais s'il y a certains savants parmi les savants de la religion, parmi les savants de la sunna dignes de confiance, qui n'ont pas de penchant pour ce bas monde et ses ornements, et qui ne font pas de complaisance au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne craignent le blâme d'aucun blâmeur, et qui disent la vérité, même s'ils se trouvent face aux dirigeants. Si ce savant voit un intérêt dans le fait de se rapprocher du dirigeant, alors son acte n'est en aucun cas blâmable. Et ceci est une chose qui a été pratiquée par certains de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, à l'exemple de l'imam Zuhri, rahimahullah, un grand imam de l'islam, qui est entré auprès des dirigeants de Bani Umayya. Il les conseillait, il leur ordonnait le bien, il leur interdisait le mal. Donc ce que l'on vient de mentionner ne doit pas nous pousser à mépriser certains parmi nos grands savants qui pourraient avoir une proximité avec certains dirigeants. Mais ce qui est blâmable, c'est la situation de certaines personnes qui s'affilient à la science et à la prédication et qui se rapprochent des dirigeants dans le but d'obtenir des intérêts mondains et des biens parmi les biens vils de ce bas monde, au point de parfois même prononcer des paroles contraires aux textes clairs du Coran et de la Sunna, afin de satisfaire les désirs du dirigeant. Et c'est cela qui est blâmable. Ensuite, Sofiane, rahimahullah ta'ala, a dit « وَكَانَ يُقَالْ اِتَّقُوا فِتْنَةَ الْعَابِدِ الْجَاهِلْ وَفِتْنَةَ الْعَالِمِ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونَ » Et on disait « Craignez la tentation de l'adorateur ignorant, ainsi que la tentation du savant pervers, car leur tentation atteint toute personne éprouvée, toute personne éprise par les troubles. » Sofiane, rahimahullah ta'ala, ici, il nous met en garde contre cela, contre deux catégories de personnes. L'adorateur ignorant et le savant corrompu, le savant pervers. L'adorateur ignorant, c'est celui qui adore Allah sans science. Mais les gens se font leurrer par lui en raison du fait qu'ils le voient beaucoup prier, beaucoup jeûner, beaucoup faire de dhikr, sans se rendre compte que nombre de ses actes sont contraires à la législation. Donc les gens se font leurrer par cette personne en raison de ce qu'il montre comme ferveur dans l'adoration. Et il nous met en garde également contre les savants corrompus, les savants pervers, ceux qui connaissent la vérité mais ne la mettent pas en pratique, la délaissent ou s'y opposent avec science. Et ceci se rapproche d'une autre parole rapportée de Sofiane, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il a dit « Ceux qui sont corrompus parmi nos adorateurs » ont une forme de ressemblance aux chrétiens. Et ceux qui se sont corrompus parmi nos savants ont une forme de ressemblance aux juifs. Et ce car les chrétiens, ils étaient connus pour avoir une certaine ferveur dans l'adoration. Mais ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Et c'est pour cela qu'ils se sont égarés. Car ils ont commis nombre de choses innovées, qui les ont fait dévier du droit chemin. Quant aux juifs, ils avaient la science, ils avaient des connaissances, mais ils ont volontairement dévié de la vérité, ils l'ont délaissée et s'y sont opposés en connaissance de cause, par suivi des passions ou par désir et convoitise de biens vils de ce bas monde. Donc ceux qui agissent de la même manière parmi les adorateurs ou les savants de cette communauté, ils s'assimilent ainsi aux adorateurs et aux savants des gens du livre parmi les juifs et les chrétiens. Et ces deux catégories de personnes sont des personnes desquelles on doit prendre garde car elles sont une cause d'égarement pour la communauté. Donc l'obligation pour nous est de suivre les savants vertueux, ceux qui ont réuni entre la science et sa mise en pratique. ceux qui se sont écartés de la voie de ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de celle des égarés. C'est cela que l'on doit suivre et c'est à eux que l'on doit revenir en cas de trouble, en cas de dissension, en cas de calamité qui touche la communauté. On ne revient pas au premier venu sous prétexte qu'un tel ou un tel l'a appelé cheikh ou qu'il répond aux questions sur WhatsApp ou autre chose semblable et on l'interroge sur toute chose ou sur toute calamité qui touche la communauté, non. Les savants de l'islam ont clairement stipulé qu'il n'est pas permis de suivre la fatwa d'une personne si ce n'est celle qui est connue pour sa science, mais pas seulement, mais aussi pour sa religiosité. Car la bonne voie, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité et sa mise en pratique. Ce n'est pas simplement la connaissance de la vérité, il est nécessaire de la mettre en pratique. Et plus la personne s'élève en termes de connaissance et de mise en pratique, plus son rang sera élevé. Donc tu dois veiller à suivre les personnes de science qui connaissent la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et veillent à sa mise en pratique. Et non pas ceux qui s'adaptent aux événements et aux situations par suivi des passions ou par désir de satisfaire les gens ou d'augmenter leur nombre de suiveurs et d'augmenter ainsi leur richesse ou autre parmi les mauvaises intentions. Wallahu al-musta'an. Ensuite, Sufyan rahimahullah ta'ala a dit: "Wa ma kufita min al-mas'ala wal-futya fa'htanim dhalika wa la tunafishum." Ici rahimahullah, il conseille à Abbad ibn Abbad de s'éloigner de la fatwa, c'est-à-dire de s'éloigner du fait d'émettre des avis juridiques. Et il lui dit qu'à partir du moment où il y a des gens qui suffisent pour répondre aux questions et pour émettre des fatwas, alors profite de cela et ne cherche pas à les concurrencer. À partir du moment où il y a des gens de science qui ont émis des avis juridiques sur de nombreuses questions religieuses, ne cherche pas à les concurrencer et à émettre ton propre avis. Et ça, c'est une chose par laquelle sont éprouvés nombre de musulmans aujourd'hui, sans même parler de ceux qui se mettent en avant dans l'enseignement de cette religion. Mais les musulmans de manière générale, dès que quelqu'un pose une question, tu vois les personnes émettre tout un tas d'hypothèses. Je pense que, il se peut que, il me semble avoir écouté que, et ainsi de suite. Pourquoi t'imposer cette charge? Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas imposé cette charge. Pourquoi te l'imposes-tu à toi-même? Si réellement tu entends une question, et qu'il n'y a personne pour répondre à cette question, et que toi tu as, avec certitude, entendu la réponse à cette question d'une personne de science, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Mais s'il y a quelqu'un de plus savant que toi, qui peut répondre à ta place, alors pourquoi t'imposer une charge dont tu n'as pas les aptitudes pour la supporter? Répondre à une question, c'est une responsabilité. Tu dois avoir en tête que la personne va ensuite adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette réponse que tu lui as donnée. Donc si tu n'es pas sûr de la réponse à cette question, que c'est une question que tu ignores, n'essaye pas de penser ou d'imaginer une réponse. Et pire encore, si tu sais qu'il y a une personne qui pourra répondre à ta place. Renvoie-la tout simplement vers un étudiant ou une personne de science. Et ne prends pas la responsabilité de répondre alors que tu n'as pas les aptitudes pour cela. Wallahu al-musta'an. Ensuite, Sofiane, rahimahullah ta'ala, a conseillé Abbad sur d'autres questions, notamment liées à l'intention. Et nous verrons cela, incha'Allah ta'ala, lors du cours de demain. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا